La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, à quoi le temps ressemble-t-il vraiment ? Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette dernière émission de la saison, avant les rediffusions de l'été. Il faut quand même être honnête, nous méditons sur le temps sans jamais trop savoir à quel type d'entité nous avons affaire. Est-il une substance, un fluide, un simple mot, une illusion, un effet de la psyché, une construction sociale, un produit de la culture ? Se pourrait-il même qu'il ne soit rien du tout ? Écoutons-nous parler. De nombreuses locutions familières font penser qu'il s'agirait d'un être physique, tandis que d'autres suggèrent qu'il ne serait qu'une production de notre conscience, ou bien un aspect des processus naturels, ou bien carrément qu'il n'existerait pas. Les avis divergent sur ces points et pour cause. Qui saurait dire, à partir d'un savoir parfaitement sûr, si le temps est ce qui accueille les événements, ou si au contraire il en émane ? Et qui pourrait se targuer d'avoir une connaissance assez complète et suffisamment certaine pour expliciter ce qu'indiquent vraiment les horloges lorsque nous disons qu'elles donnent l'heure ? En guise de réponse à ces questions, chacun se risque à dire son mot et se sent pleinement autorisé à le faire. Mais en général, les esprits s'embrouillent vite. Un tel dit que le temps s'arrête quand plus rien ne change, tel autre qu'il continue de passer quand plus rien ne se passe, d'autres encore qu'il ne s'écoule que dans notre esprit, tel autre enfin qu'il accélère. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le temps n'a pas de vertu œcuménique. En parler n'équivaut jamais à le dire, encore moins à le saisir, de sorte que tenter d'accorder les violons à son propos revient à vouloir sculpter l'océan. Au fond, à quoi le temps ressemble-t-il vraiment ? Est-il comme notre langage le raconte ? Comme nous croyons le percevoir ou le vivre ? Comme le représentent les physiciens ? Comme le pensent les philosophes, les historiens, les psychanalystes ? Pour discuter ces nombreuses questions, j'ai invité Daniel Siboni. Bonjour Daniel Siboni. Bonjour Étienne. Vous êtes philosophe, psychanalyste et essayiste, j'oublie rien ? Oui. Vous venez de publier chez Odile Jacob un livre intitulé « Un amour radical, croyance et identité ». Oui. Je le cite, bien qu'il ne parle guère du temps. Oui. Alors qu'est-ce qui vous intéresse dans la question du temps ? Est-ce que vous êtes intéressé aux travaux des physiciens qui en ont fait un paramètre depuis Newton et la mécanique. Est-ce que cette représentation vous satisfait ou est-ce que le psychanalyste que vous êtes a d'autres choses à dire ? Écoutez, j'ai été pris par le temps de différentes manières, de différentes directions. Et bien sûr, j'ai fait des maths, j'étais chercheur en maths. Donc j'ai fait aussi de la physique, le temps des équations, de la physique, le temps scientifique m'a évidemment intéressé, avec quand même cette sensation qu'il ne dit rien du temps et qu'en même temps il est très beau parce que il se contente d'une notation T sur la droite réelle pour raconter des histoires qui, elles, ne sont pas linéaires, qui sont fantastiques. Et cette économie extrême de la notation pour déployer un foisonnement d'écriture qui essaie de coller au plus près aux histoires que raconte l'univers, ça m'a impressionné. Mais les équations dont vous parlez, c'est les lois de la physique. Bien sûr. Et les lois, elles racontent les lois, pas l'histoire de l'univers. Elles racontent les lois en essayant de coller comme elles peuvent à ce que moi j'appelle le récit de l'univers. C'est-à-dire pour moi, et ça va vous préciser mon intérêt pour le temps, pour moi, il y a un temps poétique qui contient le temps de la physique, qui contient le temps de la clinique, le temps des religions, etc. J'entends poétique au sens propre, c'est-à-dire de faire. Faire avec des mots, avec des blocs signifiants. Donc le temps de la poétique, c'est le temps qui fait avec des blocs et qui raconte, qui déroule. Les blocs se déroulent. Il y a un roulement de tambour débloque, ça débloque et ça bloque aussi de partout. Et je vais vous dire, moi, un de mes livres de chevet autrefois, avant que j'apprenne le français, c'était la Bible en hébreu. Et il y a un joli psaume qui m'a impressionné. C'est le psaume 19, où le poète dit « Les cieux racontent la gloire divine et le firmament fait le récit de ses actes. » Je me suis dit, assez jeune, que s'il raconte, c'est qu'il racontait avant qu'on soit là. C'est donc qu'il y a un récit, un déroulement de l'univers où, évidemment, les astres, les particules, elles ne parlent pas, elles ne disent pas, mais elles incarnent les corps physiques, incarnent le temps qui se déroule, incarnent le récit, incarnent l'histoire qu'elles racontent. Alors je sens qu'on va pas parler que de physique, et d'ailleurs je sens même qu'on va peu parler de physique, mais Daniel Cibony, quelle est votre réaction quand vous apprenez que, par exemple, les physiciens ont détecté le boson de Higgs, qui dit des choses sur le temps et son histoire, justement, sur l'histoire de l'univers, comment la masse est advenue et qu'elle a été une des propriétés des particules élémentaires. Ou bien lorsque vous apprenez qu'on a détecté les ondes gravitationnelles prédites par Einstein un siècle plus tôt, ça veut dire que ces équations disent des choses qui ont à voir avec le réel. Et comme le temps fait partie des variables qu'on trouve dans ces équations, ça veut dire qu'il y a là une efficacité de la physique qui nous renseigne sur des propriétés, sinon de l'univers, du moins du temps des physiciens. Bien sûr, et ça légitime totalement les physiciens à parler du temps, à modifier leur vision et leur discours sur le temps. C'est ça que je voulais entendre, en fait. Mais évidemment, simplement, je pense que la plupart auront l'élégance de ne pas empêcher les autres qui sont empêtrés dans le temps et qui n'est pas forcément le temps de la physique, d'en parler. Les humains vont mourir, et laissons-leur la possibilité de parler du temps. Et sachant que même celui qui a lancé le temps dans la physique, c'est-à-dire Galilée, est parti de l'idée d'une question qui concerne tous les humains, combien de temps ça met pour tomber ? Mais il se trouve qu'en plus, tous les corps tombent avec le même temps, en mettant le même temps quand ils partent de la même hauteur. Enfin, la question, combien de temps ça tombe, les humains ont à voir avec ça poétiquement. Qu'est-ce qui leur tombe dessus quand il leur tombe du temps ? Si vous voulez, pour être plus précis, il y a le temps linéaire qui peut être cyclique, etc. Il y a la variabilité. Ah non, il ne peut pas être les deux. Non, il ne peut pas être les deux, mais topologiquement, c'est pareil. Parce qu'un segment de courbe, c'est isomorphe à une droite, toute une droite. Donc, ce n'est pas là qu'est le problème. Le problème, c'est que chaque instant T, il n'y a pas seulement le fil du temps, il y a ce que j'appellerais les fibres du temps. C'est-à-dire, au-dessus de chaque instant T, il faut imaginer une fibre pour chacun. Et pour chaque activité, pour chaque faire, donc pour chaque poétique. Autrement dit, il y a des fibres, et les fibres peuvent être des espaces énormes, pas seulement un autre petit fil vertical. Donc, chacun a, et se coltine avec ses fibres. Alors, il y a T qui passe à T', ou T1 qui passe à T2, mais la fibre sur T1 se connecte avec la fibre sur T2, d'une manière qui nous échappe. La physique n'en a rien à faire de ça, parce qu'elle se contente de T qui varie, etc. En fait, il varie sans changer de nature, oui, il avance, absolument. Les instants ont le même statut. Absolument. En fait, c'est à décorréler des événements. Si on prend le temps de Newton, il est décorrélé des événements. Bien sûr, c'est pourquoi les humains ne peuvent pas se contenter de ce temps-là, parce que dès qu'ils sont entre T1 et T2, s'il y a un chaos qui se passe dans leur tête entre les fibres, Et cette histoire de fibre, qui est, vous savez, un objet mathématique. C'est oui, là, on est dans les espaces fibrés, n'est-ce pas? Voilà, un espace fibré, c'était souvent pour connaître un espace, on lui ajoute un espace fibré pour faire des allers-retours, pour connecter les fibres. Et figurez-vous qu'en tant qu'analyste, dès le début, j'ai proposé un modèle d'interprétation des rêves en considérant, et qui est très proche du modèle freudien, qui explique qu'on interprète un rêve en prenant chaque mot du rêve, chaque mot de la phrase, ça c'est Freud qui le dit, et puis on associe des choses, on associe à T1, on associe à T2, et ensuite on combine les fibres, ça s'appelle un faisceau, même en mathématiques. Dans n'importe quel ordre. On les rassemble, et ensuite on fait des choix dans les fibres, et si on fait ce qu'on appelle une section du fibré, c'est-à-dire un trajet qui fait sens pour le rêveur, ça donne une interprétation. Ça veut dire qu'on fait le travail dont je vous dis qu'il se fait pour chacun au niveau du temps, c'est le travail de connexion des fibres. Voyez-vous ? Et ça, c'est possible parce qu'en fait, l'inconscient est insoumis au temps, d'après ce que dit Freud. Il écrit dans l'inconscient, rien ne finit, rien ne passe, rien n'est oublié. Et en plus, le flux du temps dans l'inconscient ne chemine pas toujours de l'avant vers l'après. Parfois, nous dit Freud, le rêve nous montre le lapin poursuivant le chasseur. Bien sûr. C'est ça que vous parlez ? C'est qu'on peut rassembler des fibres dans un ordre qui n'est pas celui du déroulement si vous temporel. Voulez, il n'y a pas que Freud, la psychanalyse, etc. Regardez les surréalistes. Et puis, de tout temps, on a cherché à comprendre les coïncidences. Vous voyez, vous dites à quelqu'un, voilà, tu vas m'attendre là-bas. Or, vous étiez déjà là-bas où il va vous attendre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Lui vous a vu là-bas. Ça veut dire que des fibres se sont permutées. Et donc, on fait avec ça. Mais je voulais vous dire une autre source de mon intérêt pour le temps et pourquoi j'ai écrit sur le temps. Et je vais d'ailleurs, suite à cette émission, rassembler mes textes sur le temps parce que ça fait un paquet. Figurez-vous que j'ai assisté à la naissance de mon premier enfant. Et ça a été un choc. Parce que, vous savez, ça prend son envol. Hein, ça, on pousse, la femme pousse. Et puis à un moment, il y a un G. Ça veut dire que ça prend une seconde. Mais tchac, ça sort. J'ai eu la sensation qu'une nouvelle temporalité se projetait. C'est-à-dire qu'il y avait le temps. La femme enceinte, c'est aussi ce que j'appelle un objet-temps. Nous sommes des objets temps. Je suis passionné par les objets temps, c'est-à-dire les objets porteurs de temps, avec l'histoire des fibres. Donc je vois cet objet qui se projette avec sa temporalité, avec sa circulation. Je ne parle pas du temps biologique, du temps, etc. Je parle d'une espèce de giclée qui se déroule, qui se déplie d'ailleurs. Et ça, pour moi, ça rejoint ma perception du temps, parce que pour moi, le temps, sans qu'on le définira si vous voulez, mais ça ne servira à rien. Et le temps, c'est un déploiement de lectures possibles, un déroulement, un ensemble de déroulements. Peut-être que le temps, c'est tous les déroulements possibles. Avant que nous apparaissions sur Terre, avant que nous soyons là, ça se déroulait. On ne peut pas le nier. Ça, c'est grâce à la physique, on le sait. Et là, quand la physique reproduit les conditions initiales, etc., elle assiste à un déroulement qui a existé. Donc, ça se déroulait. Après, la physique vient, au bout de quelques millions ou dizaines de millions d'années, et puis elle commence à essayer d'établir des résonances. Vous savez, comme on fait en maths, quand j'étais chercheur en maths, quand on fait des maths, on a une petite idée, un petit problème, et on essaye de séduire le corpus mathématique, c'est-à-dire de faire des résonances entre ce qu'on écrit et les réactions du corpus. Et quand on a établi un peu de contact, on est content quand ça fait signe en retour, et on commence à dérouler des petites choses jusqu'à ce que, etc. Et ça fasse une trouvaille ou que ça échoue, etc. Et donc, l'idée m'est venue en voyant ce spectacle-là, cet enfant qui naît. Je me suis dit, bien, j'avais déjà l'idée du fibré, des rêves, etc. Mais je me suis dit, voilà, en fait, il y a le temps qui s'écoule, le temps infiniment respectable de la physique, dont elle dit des choses variables, etc. Ce qui m'a d'ailleurs frappé dans la physique, c'est que elle bouleverse pas tant que ça, le temps. C'est-à-dire, peut-être tout récemment, avec les théories les plus récentes, théorie des cordes, etc., des supercordes, on dit, voilà, on va... Ça va donner une toute autre notion du temps. Mais pour l'instant, on écrit T, s'il vous plaît. Et pas plus, et ça suffit. Mais je me suis dit, il y a à côté de ça, ce que j'appelle des objets-temps. C'est-à-dire une œuvre d'art, par exemple, de préférence contemporaine, c'est-à-dire qui ne va pas puiser dans un mythe, mais qui le construit. Une œuvre d'art, une peinture, comme ça, c'est un objet-temps. Parce que il y a le temps que ça a mis pour être fait, mais le temps que ça raconte à l'intérieur. Et l'exemple le plus trivial, mais qui est important, c'est le film. Le film, avec le film, vous êtes déjà dans deux temps. Et le temps interne du film peut connaître des mouvements, des remous qui vont le faire gicler dans d'autres directions et vous aurez beaucoup d'autres temporalités avec des cycles, des retours, des retournements. Et c'est ça que nous aimons. Nous aimons. Alors, bien sûr, on pourrait dire, oui, mais tout ça, c'est une illusion. Mais il se peut, moi, je vous accorde l'hypothèse possible, il se peut que le temps soit une illusion, mais le rapport à cette illusion, il est plus que réel. Des gens s'entre-déchirent réellement mais, autour Daniel Ciboli, de cette illusion. Avant que vous continuiez à nous parler de la naissance de votre premier fils, vous devez prendre acte que cette émission est elle aussi un objet temps, avec ses rythmes. Et oui. Et c'est le moment d'écouter le premier morceau de musique que vous avez choisi. Daniel Ciboli, on dirait du Bach. Voilà, exactement. C'est donc un morceau de la Chaconne. Et je vous assure que c'est un effet du hasard. On m'a dit, voilà, il faut désigner un morceau, etc. J'étais entre deux patients, j'étais pressé, j'ai dit la Chaconne. Et là, je m'aperçois que ça illustre exactement ce qu'on vient de dire, ce que je viens de dire sur les fibrés. Parce que vous avez un objet tout petit, avec quatre cordes, et il y a chaque corde, elle comporte une infinité de plans au-dessus d'elle. Et l'archer fait communiquer, ces plans, ce sont des fibres. Et l'archer fait passer d'une fibre à l'autre en s'attardant souvent sur les deux, parfois sur les trois. Et donc, c'est exactement cette espèce... J'aurais pu prendre une musique symphonique, alors on aurait entendu 36 instruments, mais là, on entend plusieurs mélodies s'entremêler parce que les fibres communiquent. Et ça, et évidemment, il y a une autre fibre qui se faufile, la mélodie qui vient et qui revient autrement, qui nous emmène ailleurs. Mais cette espèce d'entrelacement des fibres m'émeut beaucoup. Et j'ai un copain qui est un grand violoniste qui s'appelle Ivry Gitlis. Il m'a raconté qu'une fois, il était en Afrique, équatoriale, dans une tribu, un village, et puis il avait son violon, ils lui ont demandé de jouer. Il a joué la chaconne, et toute la tribu réunie a éclaté de rire. Et moi, par ailleurs, j'ai écrit sur le rire, et j'ai dit, le rire, c'est se secouer l'identité. Eh bien, ça leur a secoué l'identité, c'est-à-dire, ça a pris des bribes, des ponctuations mélodiques qu'ils devaient connaître, et ça les a chamboulés de telle façon, tout en les combinant selon une autre logique, que ça leur a réellement fait découvrir un autre monde, et c'est à la fois une défense et une jouissance que d'éclater de rire. Voilà, et bien on peut continuer. Alors là, on aborde peut-être le thème de votre livre, Croyance et Identité, mais je n'oublie pas que vous avez eu un premier enfant, que vous l'avez vu naître, oui. Et vous n'avez pas encore donné le clou de cette histoire. Et le clou, le c'est... surgissement. Le clou, c'est le jaillissement. Que... Bon, je vous signale que c'était une fille, pas un garçon, et donc ça arrive, hein, des filles. Et que je suis rentré chez moi et j'ai écrit un texte sur le temps, que j'ai appelé « Temps », qui est sorti dans un bouquin en 78, qui s'appelle « L'autre incastrable », c'est ma définition d'un certain féminin. Et en sous-titre, c'était « Psychanalyse et écriture ». Et où je m'expliquais, avec le temps d'Aristote, avec le temps de Heidegger, et j'introduisais, donc ça fait quoi, ça fait plus de 45 ans, et l'idée d'objet-temps, c'est-à-dire que cet enfant qui jaillissait, c'était un objet-temps qu'après, les parents courent après pour essayer d'harmoniser les temporalités, en rechignant si ça colle trop bien et en rechignant si ça colle pas. Donc, en essayant de trouver de bons déséquilibres. Et du coup, bon, j'ai écrit sur autre chose. Alors, puisque vous évoquez le sous-titre de mon livre actuel, le 40e de mes œuvres, le sous-titre qui est « Croyance », j'ai beaucoup écrit sur les religions et... La croyance me paraît un bon exemple aussi d'objet-temps. C'est-à-dire, vous savez, croire, d'abord ça n'arrive pas qu'aux religieux, les scientifiques croient, tout le monde a une croyance. Et d'ailleurs, quand on doute de ce que dit quelqu'un, on lui dit « tu crois ?» C'est-à-dire, t'as vraiment misé là-dessus. Donc, une croyance, c'est un potentiel d'investissement narcissique, amoureux, érotique, qui prolonge notre narcissisme, parce qu'on ne peut pas tout garder sur soi, on délègue un peu, en attendant que ça produise quelque chose, ou en attendant que ça capte le trop-plein érotique, énergétique, etc. Et ça fait un objet-temps que les religions ont travaillé. Elles ont cyclé, recyclé. Vous remarquez d'ailleurs qu'il y a trois monothéismes. Rien que le titre est humoristique. C'est un livre que j'ai écrit. Ils sont trois pour être seuls. Et il y a le fait que chacune a amené son échelle de temps, son origine de temps. Et évidemment, ils ne sont pas d'accord, tant mieux. L'important, c'est qu'ils ne se tapent pas dessus. Mais c'est intéressant que quand on construit un mythe, un fantasme aussi, c'est un objet-temps. Ça veut dire une réserve d'histoire. Et les croyances, c'est une réserve d'histoire ou des histoires mises en réserve qui se déroulent dans un espace mythique qui n'est pas purement illusoire. Un mythe. Et qui s'actualise à l'occasion. Et qui s'actue absolument. Les rituels, c'est allez, on actualise un fantasme collectif qui devient un mythe. Un montage d'écriture, on déroule un texte. Si vous voulez, pour moi, le nerf, le noyau du temps, que je retrouve partout dans toutes ces occurrences, c'est le fait qu'on et des choses se passent, etc. Puis ça se déroule. Mais est-ce qu'un livre, vous en avez écrit 40, vous l'avez rappelé, est-ce que c'est aussi un objet temps? Bien si sûr. Vous relisez aujourd'hui le livre que vous avez écrit sur le temps, c'était en 1978. Est-ce que vous êtes d'accord à ce que vous écrivez à l'époque? Mais c'est pas que je suis d'accord, c'est que j'acquiesce au fait que ça existe. Bon, ça c'est déjà pas mal, mais vous pourriez continuer d'être complètement d'accord, comme si votre pensée sur la question n'avait pas évolué. Je vais plutôt vous donner un exemple d'étrangeté que j'ai eu par rapport au temps, et là je me réfère à du texte purement mathématique. C'est que je voulais apporter, c'est un bouquin, c'est un cours que j'avais fait sur ma thèse, en 67. Relié comme à l'époque. Comme à l'époque. Ça s'appelle Cône de fonction et potentiel. Et je vous dis l'idée, parce que c'est assez touchant. Et c'est assez amusant que ça revienne. Cône de fonction et potentiel. Et potentiel, vous le faites. Cours de troisième cycle à la Faculté des sciences de Paris et à l'Université McGill de Montréal. Voilà. Eh bien. 68. Eh bien, de quoi ça parle? Ça part, et ça vous indiquera que la. L'idée de temps m'obsédait déjà, et même avant que je passe psychanalyste ou que je fasse de la philo, etc. Ça part. Vous savez que récemment, Alain Cohn a dit que quand on part d'une algèbre de von Neumann avec la non-commutativité... Il est venu en parler ici, et bien, à la conversation scientifique. Avec une certaine cuisine mathématique, on dégage du temps. Le moteur du temps. Voilà. On dynamise la géométrie. Voilà. Eh bien là... On part d'un cône de fonction qui a certaines propriétés intrinsèques et on construit une théorie du potentiel avec, où les fonctions de départ apparaissent comme des potentiels. Je ne vais pas entrer dans la technique. Je suis en train de le feuilleter là, ça n'a pas l'air d'une lecture facile. Ah, pas du tout. Et donc quand je l'ai relu récemment, j'ai eu vraiment une étrangeté, c'est, je dirais un effet de Madeleine de Proust, parce que ça m'a rappelé les affres qu'il m'a fallu pour démontrer ces théorèmes, et surtout l'idée qui, elle, est restée plantée en moi et qui m'a accompagné tout le temps, à savoir, je pars d'un ensemble de fonctions, quelle propriété doit-il avoir au départ pour que, quand je prends une d'elles, assez bien fabriquée pour saturer toutes sortes de charges, je puisse en déduire ce qu'on appelle une résolvante, puis ensuite un semi-groupe. Et un semi-groupe, ça veut dire du temps. Vous voyez, P indice T. Et à partir de ce semi-groupe, on déduit un processus markovien qui, en plus, se traduit physiquement par un mouvement brownien. Donc, on est gâté sur toute la ligne. À partir de quoi? À partir de cette idée, reconnaissez-le, bizarre, qui est de partir d'un truc où il n'y a pas de temps. On ne parle pas de temps. C'est que des fonctions. Et on donne des propriétés topologiques sur les supports, l'additivité de certaines opérations. Le balayage. Balayage, exactement. C'est-à-dire qu'on intègre la vieille théorie du potentiel, Green, tout ça. Et on intègre, mais dans des espaces localement compacts. Et puis, on construit des opérateurs qui... donne chacun, donc à chaque fonction même, vous pouvez avoir un semi-groupe associé. Je trouvais que c'était, moi ça m'a donné une vraie satisfaction, en même temps que récemment, une étrangeté où je me disais, mais c'était toi, ben oui, c'était moi. Ça veut dire que j'ai des épaules, il y a plusieurs personnes en moi, mais heureusement, avec les fibres, je leur donne une certaine cohérence. Et donc, j'essaye de les faire compatir. Mais j'ai l'impression que vous seriez d'accord avec Héraclite qui disait que le temps, c'est une sorte d'enfant qui joue au tric-trac, qui s'amuse. Je suis peut-être aussi cet enfant. Je pense que chacun de nous a un enfant en lui. Mais cette phrase d'Héraclite, qui se trouve dans ce texte sur le temps, dans Psychanalyse et Écriture, elle m'a beaucoup travaillé. Pourquoi? Et ça va vous intéresser parce que ça a rapport avec les anagrammes. C'est que... Ah, on va y venir, parce que j'en ai une belle à vous proposer. Eh bien, c'est très bien. C'est que cette phrase d'Héraclite, elle ne dit pas le temps, c'est les permutations dans un jeu, etc. Il pourrait le dire. Ça serait un peu objectif. Voilà, vous avez un jeu, vous faites des permutations, vous pouvez en dégager. Non, lui, il dit, c'est l'enfant qui est le temps. Ça veut dire, le temps, c'est une entité, un corps vivant qui joue, qui permute en fait, qui fait des anagrammes, c'est-à-dire qui prend un dispositif qui le permute pour retrouver le même avec d'autres, avec les mêmes éléments, mais disposés autrement. Mais Daniel Simonet, vous êtes sûr qu'il avait ça en tête, Héraclite, ou mais, vous interprétez? Mais je m'en fous de ce qu'il avait en tête, je n'y ai pas accès. Ce que moi, en revanche, c'est comme pour le temps est une illusion, c'est possible, mais moi je parle du rapport au temps. De même, Héraclite, c'est pas une illusion, mais malheureusement on a très trop peu gardé de lui, mais... Et ce qu'il a dit, c'est un objet qui m'a inspiré ce que je vous raconte, à savoir que l'enfant, et puis il ajoute d'ailleurs à la fin, il dit « à l'enfant la souveraineté ». Ça veut dire, bon, vous laissez s'agiter en vous toutes ces fibres, tous ces temps linéaires, toutes ces connexions de mémoire qui rappellent le temps, qui font le temps perdu, etc. C'est l'enfant. Qui joue au tricot. Il y a un autre fragment de Démocrite qui est très connu, d'Héraclite, pardon. Héraclite. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Ou pour le dire à la manière de Sylvain Tesson, on ne se baigne jamais deux fois dans la lecture d'un fragment d'Héraclite. Voilà. Et vous parlez de l'association entre temps et enfant. Or, Jacques Périssalkov a trouvé l'anagramme de on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Ouais. Je vous le donne en mille. Ouais. L'anagramme de ce fragment est la vague sans fin modifiée emmène nos jeux de sable. Voilà, c'est magnifique, parce que en même temps, ça rejoint le fameux poème de Mallarmé. Vous savez, un coup de dé jamais n'abolira le hasard, c'est la fin. Quand bien même lancé dans des circonstances éternelles, du fond d'un naufrage, etc., la voilure, la voile qui penche, etc., ça veut dire qu'il a essayé, comme tout créateur, de retrouver cet instant paradoxal qui est celui de l'origine, qui est introuvable évidemment, et qui, voilà, ben, il a quelque chose d'océan, de cosmique, la vague. Redites-moi le l'anagramme de « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve », c'est « La vague sans fin modifiée emmène nos jeux de sable ». Ça veut dire « efface tout », ça veut dire « efface sur le sable ». Le pas des amants, mais là, efface nos jeux et en même temps leur donne de quoi les renouveler. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors, vous avez parlé de l'origine du temps, chacun s'en invente une. Pourquoi est-ce qu'on a cette fascination à propos de l'instant zéro? Est-ce que ça vient du fait que le commencement, comme le dirait Hegel, c'est aussi un commandement? C'est-à-dire le fait de connaître l'origine détermine la suite de l'histoire et permettre de lui trouver un sens. Ça serait peut-être trop déterministe. Et vous savez comme moi qu'on fabrique des modèles mathématiques déterministes, ça veut dire où quand on a les conditions initiales, on connaît tout, et qu'il suffit de faire varier de epsilon les conditions initiales pour avoir un système chaotique, donc totalement imprévisible. Donc on laisse Hegel, qui lui avait, partait... L'autoroute. ...bille en tête, et on va plutôt... parler du fait que cette fascination des gens pour l'origine, d'ailleurs on dit, allez, va voyager un peu, ça va te ressourcer. La fascination de la source, va à la source. Moi je crois d'abord qu'il y a une motivation psychologique grossière, c'est que on a toujours perdu du temps. Donc on aimerait bien remonter comme un saumon à la source pour se reproduire. Ça veut dire se féconder un peu. Donc il y a le fantasme d'une source, évidemment introuvable, mais localement trouvable. Et donc, si on peut avoir des petits temps initiaux, et d'autre part, l'idée de commencement, elle est géniale. Là, je reviens à un de mes livres favoris, c'est la Bible. Vous savez que le premier mot de la Bible, c'est « au commencement ». Mais quand on le lit en hébreu, le fameux « Bereshit », ça veut dire aussi avec le commencement. C'est avec l'idée de commencement que ça commence. Oui, mais cette formule laisse entendre que le commencement dont on parle n'est pas le commencement, puisqu'il y avait déjà quelque chose au commencement. Absolument. Mais c'est donc juste ça contredit l'idée même d'origine. Mais la phrase elle-même se contredit. Laissons les théologiens qui parlent de l'ex nihilo, que c'est créé à partir de rien. Alors que la phrase, dès que vous la lisez, au commencement, Dieu, le Créateur, a créé le ciel et la terre. Et la terre était tohu bohu. Donc elle était là. Donc, ça veut dire que l'acte de ce commencement, c'est pas de créer ex nihilo, etc. C'est, selon moi, je respecte les autres, et c'est d'introduire pour la première fois un certain donné cosmique dans un certain champ de la parole. Ça veut dire, c'est comme si on disait, allez, les enfants, à partir de maintenant, ça va compter. Il va se passer des choses. Le compte, c'est le chiffre, c'est aussi le temps. Ça veut dire, voilà. Alors, est-ce qu'il y a une clinique du temps, Daniel Sibony? J'ai rappelé que vous étiez psychanalyste. Est-ce que les gens sont malades, parfois, de leur rapport au temps? Bien sûr. Et c'est très émouvant que certaines pathologies s'expriment dans le rapport au temps. Elles pourraient s'exprimer dans une somatisation, etc. Par exemple, il y a un syndrome obsessionnel qui est un rapport au temps absolument bouleversant. C'est-à-dire, d'abord, la procrastination. Il y a une trouille de l'échéance et en même temps, le sujet a besoin de se donner des échéances pour les rater. Mais il est pressé. Vous avez tous ces gens pressés qui sont compressés entre l'instant où ils sont et l'échéance qu'ils se donnent ou qu'on leur impose. Ça fait des burn-out, etc. Mais surtout, ils sont compressés. D'ailleurs, il y a l'expression « Allez, il faut décompresser un peu ». Mais c'est facile à dire. Il faut que... C'est-à-dire, on s'aperçoit, en creusant bien ces formations cliniques merveilleuses, on s'aperçoit que le temps existe pour eux, mais il ne leur a pas été donné. C'est comme si le temps était là, mais il n'y a pas eu une parole bonne qui les introduise au temps, qui dit, ben voilà. Alors que quand ils sont nés, nourrissons, ce que j'ai raconté, schlac, ça jaillit, c'est un bloc de temps. Ça se projette. Voilà, mais il n'y a pas eu une parole qui permet de tirer des fils de cet objet temps infiniment riche. Vous voulez dire qu'il arrive des situations, il y a des situations où on avance dans le temps à reculons, en quelque sorte. À reculons, en titubant, comme on veut, en sautant, etc. Mais on n'a pas le temps, c'est-à-dire le temps, on peut toujours l'avoir. Voilà, la journée est ouverte, il est 8 heures, vous êtes libre. Et puis, la journée va s'écrabouiller en petits grains où le sujet ne trouve pas un minimum de linéarité, un minimum de segments, un minimum de commencements qui tiennent, etc. Donc l'acte de donner le temps, de donner accès au temps, est un acte hautement symbolique. D'ailleurs, un symbole, c'est une construction merveilleuse qui fait communiquer sur une arête le passé et le futur. Ça veut dire qu'on symbolise par le symbole, justement, quelque chose qui vous permet d'être arc-bouté sur le passé et le futur pour avancer un peu dans le présent. Et ça c'est infiniment précieux, et certains n'ont pas accès à ça. D'autres, notamment, c'est souvent des femmes, et on appelle ça à tort de l'hystérie, c'est une formation particulière, qui fait que le sujet est souvent absent à lui-même. La personne est absente à elle-même. Vous voyez, alors qu'elle était très présente tout à l'heure, et puis c'est comme si elle avait un problème avec l'autre femme, vous voyez, elle avait un problème, et soudain c'est l'autre femme qui vient occuper le terrain, et elle n'est plus là. Et il faut qu'elle revienne. Et cette espèce de perte et de retrouvaille fait que d'une certaine façon, elle est elle-même le temps qu'elle n'a pas. Il s'agit de passer de être le temps à avoir le temps. C'est-à-dire qu'elle s'incarne dans une forme d'absence ? Oui, elle s'incarne aussi dans une présence, mais qui n'est pas tout à fait la sienne. Et dans une absence qui n'est pas non plus... Donc elle joue, et les grands psys, les premiers, ont parlé de la mascarade, du jeu, du théâtre. le théâtre, où elle joue des personnages qui font partie d'elle, mais qu'elle ne peut pas assumer temporellement. Façon... Alors dans cette émission, Daniela Siboni, on n'est pas pressé. Oui. On est assez tranquille, mais quand même, il faut qu'on écoute. On a le temps d'ailleurs d'écouter le second morceau que vous avez choisi. Daniela Siboni, un concerto cette fois. Oui, bon, forcément, là, il y a de la symphonie, ça éclate, etc. Mais c'est toujours, pour moi, une jouissance extrême de sentir le dialogue entre la durée et l'instant. C'est-à-dire, vous sentez bien qu'à certains moments, c'est des instants qui font irruption, voilà, des ruptures de temps, des ruptures de lignes, de continuité, de causalité donc, et puis une durée, une continuité qui s'infiltre, et c'est un dialogue magnifique, toujours entre le passé et le futur, à travers notre sensation présente. Alors Clément Rosset, que vous avez peut-être connu, qui est mort récemment, oui, oui. Parlait à propos du rapport au présent d'un drame de l'impossession. Il dit ceci... Aucun instant de la vie n'est saisissable, mais tous nous consument. L'instant ne peut être capté alors même qu'il est là, à notre portée. Le temps présent s'efface progressivement sous nos pas au moment même où il passe. Donc il y a une sorte de frustration permanente du présent. Ben, je vais vous dire, j'ai envie de nuancer, de mettre un petit peu plutôt en travers de cette idée qui est visible, qui est visiblement vraie. Enfin, il n'y a pas de... Voilà, saisissez. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire, saisissez l'instant présent? Voilà, nous sommes, vous et moi, dans un instant, qui est dans du temps qui dure, enfin, c'est obligé, puisqu'on met du temps à passer du début d'une phrase à une autre. Donc, le carpe diem, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais donc, non, mais je veux dire, c'est un fantasme. Voilà, jouis, allez, jouis du temps. Mais oui, mais il faut me donner les moyens déjà de le saisir, de l'absorber, etc. Vous connaissez l'anagramme de carpe diem? Je sais que vous aimez ça. Ça donne, ça déprime. Quelque part, mais oui, il y a eu un film, d'ailleurs, qui s'appelait Carpe diem, je crois, où le type, le prof séduit... tous les gamins avec l'idée de jouissance immédiate, etc. Vous ne l'avez pas vu, ce film? Non. Si, il est connu. Et puis après, quand on réfléchit, on dit, mais il est en train de les blouser. Parce que, je vais vous dire une chose, l'instant présent, entre nous, il vient de passer. Mais vous remarquez quand même une certaine stabilité des instants présents. Donc on peut même dire que le présent, notre présent, aujourd'hui, ensemble, a duré une heure. Il y a toujours du présent qui est présent. Oui. Ça veut pendant dire... un certain temps, en tout cas. Mais oui. Il y a quand même cette phrase de Baudelaire à propos de laquelle je voulais vous faire réagir. Oui. Rapide, avec sa voix d'insecte, maintenant, donc l'instant présent, maintenant dit, je suis autrefois et j'ai pompé ta vie avec ma trompe immonde. Mais oui, bon, mais c'est, si vous voulez, il y a un rapport à la mort que, voilà, le poète, est, je vous ai parlé de la poétique du commencement, d'avoir le mot commencement, mais Baudelaire était obsédé par l'idée de la mort, de la fin. Il y a son copain Edgar Poe aussi, donc l'idée de la mort et l'idée aussi de retrouver de la vie dans la mort, donc un certain retour du temps. Et bon, ben très bien, mais cette fatalité, cette irréversibilité, les gens de tous bords ont essayé de la penser un peu avec A, de mettre un pansement dessus. Vous voyez, non seulement l'invention de l'au-delà, mais l'invention de... Vous savez, un jour, j'étais dans un cimetière où il y avait mon père, voilà, il est à Jérusalem, et c'est là qu'il voulait être enterré. Puis j'étais avec un de mes enfants qui était petit, et puis, voilà, je méditais un peu, etc. Et je vois mon gosse qui rougit en poussant très fort la dalle. Je dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je dis, mais je pousse parce que ça doit être très lourd pour lui. Je dis, mais tu sais, il n'est pas là. Et là, la question tombe. Où est-il? Où est-il? Et j'étais content de moi de ne pas répondre. Il est dans mon cœur, il est au ciel, etc. J'ai fait une réponse mathématique. Et ben, il est mort, alors il est avec tous ceux qui sont morts. Et ben, ça l'a rassuré. Il n'était pas seul. Il était en compagnie. Voilà. Et que nous, on allait aussi un jour mourir, mais que, et autrement dit, on invente des tas de choses qui ne sont pas des illusions, qui sont des appuis symboliques pour pallier à cet irréversible. Voilà. Mais cela dit, ça n'atténue pas le trauma. Quand vous perdez un être cher, eh ben, c'est foutu. Vous n'allez plus pouvoir lui parler au téléphone comme hier. Et ça, c'est, et voilà, ben, ça existe. Ça a quelque chose de traumatique. D'ailleurs, à propos du trauma, le trauma nous intéresse aussi par rapport au temps, parce que il y a un phénomène. Vous savez qu'en physique, c'est absolument hérétique, aberrant, d'imaginer que le futur agit sur le passé. L'idée du futur peut déterminer des actions présentes. Si oui, je sais que j'ai un examen à passer, voilà, je révise. Voilà, mais sans plus. Or, dans la vie subjective, on découvre ce phénomène, c'est que on découvre avec les associations, le discours du patient, que il s'est passé un événement pour lui, disons, à 7 ans, à 8 ans, mais qui n'a pas été extrêmement remarquable. Et c'est d'en parler et de le rencontrer dans l'avenir qui réagit sur cet événement et lui donne une apparence et même une réalité traumatique. Ça veut dire que c'est ça que Freud appelle Nart. Nartréglissage, c'est-à-dire la capacité d'advenir plus tard. Oui, ça veut dire qu'on se demande, est-ce que c'était là en attendant que ça arrive au futur, ou est-ce que ça arrive au futur parce que c'était un peu là, mais pas tout à fait. C'est très intéressant, ça veut dire que et cet effet d'après-coup, c'est ce qui réactive le passé à partir d'un avenir dès lors qu'il y a un corps parlant, désirant, qui fait le lien et qui subit. Mais en l'occurrence, le passé n'est pas modifié, c'est simplement qu'il est pensé, assimilé, interprété. Ah ben si, il est modifié au sens où la personne, par exemple, a eu des attouchements, mais elle était absente, oui, voilà, c'était... Et puis, elle parle de sa culpabilité actuelle. Et vous savez que les enfants ou les ados peuvent très bien se défendre par l'absence. on est absent à l'événement qui serait trop lourd. Et puis, en parlant, en voyant cette accumulation de culpabilité, hop, il s'est... Mais attendez, mais c'était pas ça, c'était pas des simples attouchements. Et on découvre un viol véritable par le proche parent. Et là, c'est quand même un... Ça veut dire qu'on trouve un îlot de temps qui n'a pas passé. Vous comprenez ? Ce qui veut dire aussi que pour cette personne, la linéarité naturelle du temps à laquelle elle a droit, comme tout le monde, le temps de la physique, a des obstructions incroyables. Et j'ai vu ça même... Tiens, j'ai un exemple clinique qui me revient. Il y a une femme qui vient me voir un jour et avec ce symptôme. Elle avait 38, tout le temps. 38. Vous parlez de la température. Oui, température. Elle avait 38. Bon, bah, ça va. Vous arrivez quand même à vivre avec, etc. Puis, soudain, il m'échappe. Bon, vous n'avez pas 39. Elle enchaîne. Peu avant 39, ma mère avait livré mon père aux nazis. Ça se passait en Allemagne. En 38, justement, elle l'avait dénoncé parce que voilà, il n'était pas de la race qu'il faut. Et il y a eu des tas de films là-dessus, d'ailleurs, sur des personnes qui ont dénoncé et puis la personne revient ou ne revient pas et il y a les effets de retour. Donc cette petite dame, qui était une petite jeune fille à l'époque, eh bien... Elle a gardé une espèce de pierre chaude dans son corps qui faisait 38 degrés. Et comment s'est faite la traduction ? Pourquoi pas autre chose ? Pourquoi pas un gros bouton, un tic, etc. Non, voilà. Parce que le chiffre a dû 38. Peut-être qu'elle a eu un jour 38 pour de vrai, pour un truc. Et puis que son corps a retenu que c'était pratique. Peu importe, mais que ça, vous voyez comment le temps peut se grumeler, se bricoler en petites boules, etc. Et du coup, ça nous ramène à mon intérêt assez vif pour ce que j'appelle les objets-temps. Un symptôme, c'est un objet-temps. Ça veut dire qu'il porte du temps et il attend que certains le prennent en compte, le prennent pour le dépenser. Si c'est du temps stocké, le prennent. Apprennent à prendre le temps, et c'est tout l'apprentissage. La vie, c'est pas d'apprendre, c'est d'apprendre à apprendre. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Daniel Simoni, les traumas dont vous parlez là ont leur source dans le passé. Est-ce que le futur peut être source de traumas également ? Ah ben... Un peu, il y a des gens qui passent leur temps, enfin une bonne partie de leur temps, à éviter au futur, quand ils voient venir un bloc là, qui surnage sur la mer, ils sont sûrs que c'est un iceberg et que leur bateau va percuter, donc ils évitent, alors que c'était un petit morceau de glace quoi, qui dérivait. Donc ils passent leur temps à éviter... les conflits, parce que pour eux, le conflit, ça va produire un choc traumatique. Ce qui me frappe, moi, c'est cette gestion lisse du temps qui fait que toute singularité du temps, tout gondolement du temps, la relativité générale qui nous offre cette surface merveilleusement gondolée, courbée, voilà, d'après les présences de matière, etc. Ben, pour eux, oulala, c'est comme s'ils faisaient de la montagne, voilà, et puis que ça se gondole, ça va donner dans le précipice. Alors, hop, qu'on retient, et ben, beaucoup de gens. Ils ont su les lignes de courbure les plus favorables pour éviter les écueils, les trous noirs et. Voilà, les plus favorables, sauf que vous ne pouvez pas calculer, optimiser votre courbe, sauf si vous avez. Un plan de vie déjà tracé, si vous êtes un trader, vous savez très bien comment, quelle doit être l'optimisation et comment elle se répète. Puis un beau jour, votre corps ne veut plus marcher là-dedans et vous vous retrouvez musiciens. Mais quel est le rôle de la souffrance, ou plutôt comment la souffrance peut modifier le rapport au temps? Ah ben, vous savez que en vieux français, vous savez que souffrez, ça veut dire attendez, hein? Souffrez que l'on passe, etc. Donc, ça veut dire patientez, attendez. Ça veut dire soyez patient. Un patient, c'est quelqu'un qui attend que ça se passe. La souffrance, c'est l'ouverture d'une durée en forme d'attente, et c'est différent de la douleur. La douleur, c'est une acuité. C'est un bloc de temps absolument insoluble. Donc la souffrance, c'est l'absence de tout refuge par rapport au temps. On est scotché à soi-même. On est scotché à un temps qui passe et qui passe toujours de plus en plus lentement ou très lentement par rapport à l'endurance que vous avez. Voyez, et s'il se passe dans cette souffrance un événement, un ami qui vient vous rendre visite, ça va faire une bouffée lumineuse, donc une donnée de temps, une petite bulle de temps qui va éclairer ce temps monocorde. Est-ce qu'il arrive que le temps fasse marche arrière, fasse retour à mont, comme disait René Char, c'est-à-dire il y a une espèce d'investissement d'événements fantasmés du futur qui viennent coloniser le présent? C'est un après-coup anticipé, si vous voulez. C'est-à-dire que l'événement présent est indéfini, mais on n'en sait plus sur des événements futurs. Non, je voulais comparer, par exemple, ce qu'on racontait dans les années 70 que vous avez évoqué. On parlait beaucoup de l'an 2000. Oui. L'an 2000 était configuré, voilà, attendu, voilà, dessiné, et puis on l'a passé. Voilà. Et là, on ne parle plus d'horizon temporel de façon aussi explicite. On n'a plus de bornes pour 2100, pour 2050. Il y a très peu de discours qui décrivent ce qui va se passer. Mais d'abord parce que ceux qui discouraient et imprudemment ont vu qu'il ne s'est rien passé. Ça, c'est quand même une chose importante. Donc, mais il s'est passé qu'on n'en parle plus. Oui, et cela dit, d'autre part, les échéances lointaines, n'oubliez pas la fin des temps de ceux qui y croient. Et la fin des temps, ça veut dire... Mais la fin des temps a été bricolée par les discours religieux, les discours mystiques, etc., de façon tout à fait, tout à fait sérieuse, avec des fantasmes. D'ailleurs, il y aurait un jugement dernier, par exemple. C'est-à-dire un jugement auquel, enfin, personne n'aurait plus rien à redire et tout le monde serait content. C'est quand même un beau fantasme. Daniel Simonis, c'est la fin de l'émission, qui ne se confond pas, enfin du moins je l'espère, avec la fin des temps. Voilà. Merci d'être venu à la conversation scientifique. Je pense que nous savons un peu mieux grâce à vous à quoi ressemble le temps, même si d'un point de vue mathématique, sa représentation ne m'a pas l'air tout à fait simple. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Claire Levasseur et à la réalisation François Connac. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.